Mon pote, aujourd'hui, y a eu un crack boursier. Tu te rends pas compte sûr, mais c'est bordel. Capitalisme, oh, t'as vu ces bordels, ça va pas à toi, et c'est bordel. Peut-être se retourner, rêver d'ailleurs, mais ailleurs, c'est ici. Et on y meurt aussi. Y'avait la beauté des chemins ouverts. Maintenant c'est retourne-toi. Non, non, y'a pas d'espoir pour la terre. Et les foudres ont percé nos toits. Mais une chute me tue bien plus que ça. Quand je rentre, que tu n'es plus là. Oui, c'est de ne pas t'avoir dans mes draps qui plus que tout guide mon combat. Ouais, c'est zéro. Ah, quand l'argent est néant et chômé, chômé dans nos vies et boire du whisky et le ciel se marre. Ouais, ouais, ouais, le ciel se marre tant qu'il y a du whisky. Y a du whisky, y'avait la beauté des chemins ouverts. Maintenant, c'est retourne-toi. Non, non, y a pas d'espoir pour la terre. Et les foudres ont percé nos toits. Mais une chute me tue bien plus que ça. Quand je rentre, que tu n'es plus là. Oui, c'est de ne pas t'avoir dans mes draps qui plus que tout guide mon combat.